La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le mardi 14 décembre, à la salle Richelieu, les comédiens français ont donné une représentation de la comédie de Molière, Tartuffe, que vous allez entendre avec la distribution suivante. Messieurs Louis Seignier, Orgon, Marie Delmire, André Falcon, Damis, fils d'Orgon, Jean Marchat, Tartuffe, faux dévot, Louis Aymont, l'exempt, Jacques Servière, Cléante, beau-frère d'Orgon, Marco Béard, Monsieur Loyal, sergent, Jean-Louis Gemma, Valère, amant de Marianne. Mesdames, Berthe Bovy, Madame Pernel, mère d'Orgon. Béatrice Bretty, Dorine, suivante de Marianne. Jeanne Boitel, Elmire, femme d'Orgon. Denise Pezzani, Marianne, fille d'Orgon et amante de Valère. Mademoiselle Nicole Chollet, flipote. Mise en scène de Monsieur Ledoux. Le débat de la tribune libre de théâtre et université réunira autour de Philippe de Chartres, Georges Altman, rédacteur en chef du journal Franc-Tireur, Étienne Fuselier, professeur de lettres au lycée Saint-Louis, Marcel Giraudet, Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, et Michel Jabkovitch, Jean-Pierre Gaudin, élève de première au lycée Saint-Louis. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Conrad. Les obligations qui nous sont créées par les horaires de la radiodiffusion nous imposait de larges coupures dans la comédie de Molière que nous retransmettons ce soir. Nous avons donc choisi de donner toute son importance au rôle de Tartuffe et d'éliminer de notre montage toutes les scènes qui ne sont pas directement liées à l'évolution dramatique du personnage. Ainsi disparaissent l'exposition mouvementée du premier acte, les vivacités comiques de dépit amoureux des jeunes gens, et quelques détails de la vie familiale tourmentée de nos héros. La pièce, dans sa texture de comédie, porte en filigrane le drame de deux conceptions de la vie, de la morale, du pouvoir et des échanges humains, le conflit entre deux philosophies sociales également vivantes en France. Seul un pouvoir éclairé peut vaincre l'imposture, la malfaisance et l'intelligence perverse. C'est la leçon de Tartuffe, de Don Juan, c'est l'idée même du misanthrope. La société moyenne, le monde bourgeois, régulier ou irrégulier, est celui que Molière connaît et présente le mieux. Il y a vécu, il en a gardé les habitudes de sens pratique, de libre parole et de libre raillerie. Sans rien épargner des vices et des travers de cette humanité, l'œuvre de Molière reste un réservoir de santé pour l'esprit et pour le cœur, et de son jugement jaillit encore une irrésistible lumière. C'est qu'il croit, comme Rabelais et Montaigne, à la puissance de la raison dans l'homme lui-même pour sa réforme intérieure. Notre temps s'accommode fort bien de ce comique qui pourrait être amer, mais les rires qui accueillent la pièce nous libèrent d'une angoisse légitime. La scène se place dans la salle basse du logis, de style sévère et sombre. Sur toute sa largeur, un passage à balustrade où l'on accède par quelques marches. Côté jardin, deux portes, dont celle d'un cabinet secret, une table et des sièges. Côté cour, une cheminée monumentale où rougeoie le feu et que domine un Christ janséniste en ivoire. Au début de la pièce, Orgon est absent. Sa femme Elmire, ses deux enfants Marianne et Damis, son beau-frère Cléante et la servante Dorine accompagnent Madame Pernel, mère d'Orgon, dévote endurcie et soutien de Tartuffe. Ils ont traversé la scène en menant une conversation animée. Nous savons maintenant l'emprise de Tartuffe sur Orgon, le maître de maison, grand bourgeois un peu borné, gagné à la doctrine de la religion exclusive, et nous savons aussi qu'ils auront fort affaire avec le clan familial ligué contre eux. Orgon entre en scène, Cléante, son beau-frère, l'accueille. Ah, mon

ne s'arrange pas toujours dans le théâtre de Molière, et en particulier, elle s'arrange d'une façon très différente dans les trois pièces qu'il a consacrées, au fond, à l'époque de Tartuffe, à un même sujet, c'est-à-dire au problème de la sincérité. Il y a la trois pièces qui appartiennent évidemment à un même groupe, Tartuffe, Don Juan et le Misanthrope, où les dénouements sont infiniment différents d'esprit, de ton et d'impression sur le public, bien entendu. Tartuffe finit très bien. Dans Don Juan, ça se termine extrêmement mal, puisque Don Juan est précipité dans les flammes de l'enfer. Et dans le Misanthrope, ça se termine par un point d'interrogation. C'est-à-dire que le dénouement est un petit peu laissé à l'interprétation des interprètes d'abord, et puis du metteur en scène. En tout cas, il y a là trois pièces qui posent toutes les trois un même problème et qui se finissent de façon très différente. Le problème étant, bien entendu, le problème de la sincérité. Il est impossible d'être sincère, il est odieux d'être hypocrite. Voilà le thème des trois pièces. Mais elle participe évidemment à un comique extrêmement différent. À la différence, n'est-ce pas, que dans le Misanthrope, c'est l'homme ou Molière en face des autres hommes, que dans Tartuffe, c'est l'homme en face de la religion, la vraie ou la fausse religion, et que dans Don Juan, c'est l'homme en face des grands problèmes, en face de la métaphysique. Tout à fait exact, mais n'oublions pas tout de même que, en posant dans Don Juan des problèmes qui sont d'ordre métaphysique, Molière revient tout de même sur des questions très précises qu'il a traitées dans Tartuffe. Et Don Juan lui sert, pour ainsi dire, de complément ou de tribune par rapport à Tartuffe. Et Don Juan, en un certain sens, je pense à la grande scène de l'hypocrisie finale, Don Juan devient une espèce de critique du Tartuffe, comme la critique de l'école des femmes reprend certains points de l'école des femmes. Et voilà bien des graves problèmes pour un auteur comique, n'est-ce pas ? Alors, où se place le comique de Molière ? Monsieur Gaudin ? Dorine, au début de la comédie, sert de repoussoir à Tartuffe. Vous voudriez dire que Tartuffe ne nous apparaît pas comme un personnage comique ? Justement, Tartuffe, à son entrée, est esquivé par Dorine, qui c'est elle qui est l'élément comique principal de la comédie. Qu'en pensez-vous, Marcha ? C'est très difficile de dire à un acteur quel est Tartuffe, parce que d'abord, il a vu, avant de jouer Tartuffe, d'autres acteurs le jouer, et il ne peut pas ne pas en avoir été impressionné. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai en effet pas cherché à faire de Tartuffe ni un monstre, ni un personnage exceptionnel. J'ai cherché à en faire un personnage plausible, justement en rapport avec le côté moderne de la pièce. Il faut que Tartuffe ne soit pas un monstre, parce que sans ça, la scène avec Elmire devient impossible. Il faut qu'il n'aille tout de même pas trop loin, parce qu'alors c'est donner trop de poids à la stupidité d'Orgon. Il faut en un mot qu'il soit un personnage comparable à certains personnages que nous voyons aujourd'hui, si vous voulez, des aigres fins qui s'unissent pour obtenir de quelqu'un de l'argent ou d'autres avantages. Je pense par exemple que si Tartuffe avait été chez Harpagon, eh bien il aurait fait l'avare, que s'il avait été avec Alceste, il aurait fait le misanthrope. Il fait le faux dévot parce qu'il est chez Orgon, mais c'est tout de même un personnage vivant, ça n'est pas un monstre. C'est une sorte de fripon professionnel, exactement, au fond, d'après vous. Exactement. Mais qui ne s'est spécialisé dans la dévotion presque que par accident. Mais naturellement, naturellement. C'est, je crois que c'est le propos de Molière qui a bien voulu préciser qu'il s'agissait d'un faux dévot et pas du tout de quelqu'un que la vraie dévotion avait détourné, du tout. Et alors, c'est cette humanité qui vous permet de le replacer dans le rythme comique de la pièce. Oui, ben, c'est ce que j'ai tenté de faire. De quelle façon, d'après vous, M. Marchat, ce personnage tout à fait normal prend-il non pas un caractère monstrueux, mais enfin un caractère, comment dirais-je, presque philosophique, enfin. Le personnage de Tartuffe, d'après les attaques qu'il a suscitées à son époque, les contemporains y ont vu autre chose que le fripon professionnel. Naturellement, naturellement. Et là, nous arrivons au personnage qui est le symbole de la lutte contre tous les fanatismes et toutes les oppressions. Exactement. Un personnage de liberté. C'est d'ailleurs assez curieux qu'un fripon, qu'un voleur, qu'un nègre fin serve, si j'ose dire, de tremplin à une des plus belles revendications dramatiques au nom de la liberté de conscience et de la liberté tout court. Est-ce la liberté de conscience, d'ailleurs ? Je n'en sais rien, ça. Peut-être M. Fuselier pourrait-il nous éclairer là-dessus, n'est-ce pas ? Je crois que le personnage de Tartuffe est un personnage qui est éternellement disponible. Je veux dire que chaque époque y met un petit peu ce qu'elle veut. Le XVIIe siècle y a vu essentiellement les problèmes qui étaient, il faut bien le dire, très directement posés par Molière. Il ne s'est pas trompé, au fond, sur les intentions de Molière et peut-être aussi sur les intentions de Louis XIV. Il est certain que Tartuffe est dirigé contre la cabale des dévots, contre la confrérie du Saint-Sacrement, ce n'est pas douteux. Aujourd'hui, nous voyons peut-être dans Tartuffe quelque chose d'assez différent, et je me demande si même le problème, qui était un problème essentiellement religieux au temps de Molière, n'a pas un peu gauchi. Et si justement, nous ne voyons pas maintenant dans Tartuffe un personnage qui est le symbole permanent de toute exploitation d'une idée pure, si je puis dire, au profit d'intérêts actuels et matériels. Et alors, il se produirait là un glissement qui est un petit peu analogue à celui qui se produit pour le mariage de Figaro, dont on a dit, pas que c'était une pièce qui était au service de toutes les revendications, toutes les révoltes contre tous les régimes. Et quand on entend aujourd'hui Tartuffe, je crois qu'on lui donne aussi un sens beaucoup plus large qu'il n'avait au départ, ce qui est au fond la caractéristique de tous les chefs-d'œuvre, c'est que ce sont des œuvres perpétuellement disponibles. Et qu'aujourd'hui, nous voyons peut-être dans Tartuffe et autour de Tartuffe une espèce de d'auréole, si je puis dire, ou une aura beaucoup plus large. C'est-à-dire que nous en faisons le symbole de toute espèce d'exploitation abusive d'une idée louable au départ, ce qu'on peut accaparer dans des desseins uniquement égoïstes. Michel Jabkovitch. Je voudrais demander à M. Fuselier s'il ne pense pas que Molière n'a pas pris la religion pour un symbole, car Molière avait étudié de très nombreux problèmes. Par conséquent, il a peut-être lui-même pris ce symbole, la religion, qui est très large, et ce qui nous permet à nous de considérer le Tartuffe comme quelque chose d'actuel, de moderne. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans cette idée. Il est fort possible, en effet, que pour Molière, le personnage de Tartuffe ait débordé ensemble les problèmes qu'il a l'air d'aborder d'une façon plus précise. Mais ce que je crois, c'est qu'il a tout de même voulu, dans Tartuffe, aborder ces problèmes-là d'une façon très précise, étant donné que les autres problèmes de la sincérité, il les a traités ailleurs. Tartuffe s'attaque à forte partie, à beaucoup plus forte partie que Molière ne s'était attaqué jusqu'à présent, comme il le dit lui-même, je me permets, enfin, vraiment, c'est si beau ces quelques lignes qu'il dit dans sa préface. Les marquis, les précieuses, les cocus et les médecins ont souffert doucement qu'on les ait représentés, et ils ont fait semblant de se divertir avec tout le monde des peintures que l'on a faites d'eux. Mais les hypocrites n'ont point entendu raillerie. Ils se sont effarouchés d'abord et ont trouvé étrange que j'eusse la hardiesse de jouer leur grimace et de vouloir décrier un métier dont tant d'honnêtes gens se mêlent. Oh, ce qu'il y a de terrible dans la réaction à l'époque des gens devant le Tartuffe, c'est que M. Bourdalou, c'est que M. de Péréfix, qui revit aujourd'hui dans le Port-Royal de Monterland, se sont reconnus, en quelque sorte, dans ces hypocrites. L'ordonnance de l'archevêque de Paris, Péréfix, du 11 août 1867, déclare sur Tartuffe une comédie très dangereuse et qui est d'autant plus capable de nuire à la religion que, sous prétexte de condamner l'hypocrisie ou la fausse dévotion, elle donne lieu d'en accuser indifféremment tous ceux qui font profession de la plus solide piété et les expose par ce moyen aux railleries et aux calomnies continuelles des libertins. Bourdalou renchérit, il dit, comme la fausse dévotion tient en beaucoup de choses de la vraie, comme la fausse et la vraie ont je ne sais combien d'actions qui leur sont communes, comme les dehors de l'une et de l'autre sont presque tous semblables, il est non seulement aisé, mais d'une suite presque nécessaire, que la même raillerie qui attaque l'une intéresse l'autre, et que les traits dont on peint celle-ci défigurent celle-là, etc. Donc, l'hypocrisie, dans l'hypocrisie dénoncée par Tartuffe, les vrais dévots sincères, dont Monseigneur de Péréfix, dont je ne suspecte pas la sainteté, ni Monseigneur Bourdalou, se sont sentis très vexés, très outragés. Et je ne sais pas, qu'en pense M. Marchat de cela? Non, je pense que j'ai souvent eu des observations des Bourdalou et des Péréfix de notre époque qui réagissaient à peu près de la même façon que ceux-ci. Il y a deux positions différentes. Il y a celle de Péréfix qui apparaît ici dans ce texte comme un adjudant d'église. Et puis, il y a le le discours de Bourdaloue, qui est beaucoup plus subtil parce que là, il va au fond des choses. Il pose, dans des termes tout à fait justes, le problème de l'optique théâtrale et de l'optique comique. Quand on se moque de n'importe quelle catégorie sociale ou de n'importe quel caractère déterminé, on est obligé de grossir. Il ne s'agit pas d'une attaque contre une idée, mais contre une institution. Mais contre, oui, exactement, contre une institution. Et puisque nous en sommes à l'étude de texte, j'aimerais que Altman, qui a prêté sa voix à Bourdaloue, la prête de nouveau à Molière. Il y a la fin de la préface de Molière, qui est extrêmement importante, quand il rapporte le dialogue entre Louis XIV et Condé à la suite de la représentation de Scaramouche. C'est ça. 8 jours après qu'elle eut été défendue, c'est-à-dire la représentation de Tartuffe, on représenta devant la cour une pièce intitulée « Scaramouche ermite » et le roi, en sortant, dit au grand prince que je veux dire « Je voudrais bien savoir pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la comédie de Molière ne disent mot de celle de Scaramouche. » À quoi le prince répondit, qui était le grand Condé, je crois, « La raison de cela, dit le grand Condé, c'est que la comédie de Scaramouche joue le ciel et la religion dont ces messieurs-là ne se soucient point, mais celle de Molière les joue eux-mêmes. C'est ce qu'ils ne peuvent souffrir. » Voilà. Et Fuselier, n'est-ce pas, nous sommes bien d'accord, il s'agissait non pas de la dévotion, mais du gang des dévots, des vrais et des faux dévots d'ailleurs. Et encore une fois, puisque nous retournons aux sources, il me semble que dans Don Juan, le problème est posé de la même façon. C'est la grande tirade finale de Don Juan, au moment où il se convertit à l'hypocrisie. Oui. C'est en effet, je crois, un texte qu'il convient de citer. D'abord parce qu'il explicite d'une façon très nette les intentions de Molière, après l'interdiction de Tartuffe. Et également parce qu'on trouve, c'est assez curieux, dans cette tirade finale de Don Juan, on trouve des fragments qu'il a repris dans la préface du Tartuffe. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de doute. Mais voici ce qu'il dit. Et au moment où il se convertit à l'hypocrisie. « Si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets, qui sans connaissance de cause crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. » Don Juan était un philosophe, mais Tartuffe, qui était un réaliste, a appliqué la doctrine de Don Juan. Exactement. Monsieur Jabkovic. Molière avait prévu ces attaques. Et Cléante est le porte-parole de l'idée du grand comique. Bien sûr. D'un côté, il y a des légendes bien, enfin ceux qui ont une idée de tolérance et de liberté. Et déjà, on préface au XVIIIe siècle, mais Voltaire ne s'y est pas trompé, il a repris cette idée-là. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont contre les forces de liberté qui représentent le fanatisme, qu'ils soient d'ailleurs des vrais ou des faux dévots. Oui. Moi, je crois que ce qui a choqué, et ça nous revenons alors à l'interprétation vraiment très remarquable de M. Jean Marchat, que nous avons tous applaudi il y a quelques jours, il y a quelque chose qui vraiment devait choquer, enfin, et qui est d'un vin, si je peux dire, très fort dans la comédie, c'est par exemple le côté, enfin, si je peux dire, sensuel de Tartuffe. Enfin, je crois que c'est une des scènes les plus violentes du théâtre comique. C'est bien simple, si un auteur moderne apportait aujourd'hui une scène d'une telle verdeur, elle serait immédiatement refusée. C'est votre avis? J'en suis absolument certain. Oui. Nous sommes beaucoup plus timides que ne l'était Molière. Et les spectateurs d'aujourd'hui ne supporteraient pas ce que supportaient les spectateurs du XVIIe siècle. Oui. Ils ont moins de santé. Bien sûr, Monsieur Marchat, parce que, au fond, nous venons parler de philosophie, d'aspect social, de religion. Mais il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. Il y a une pièce comique, une pièce sensuelle et une pièce très comique. Oui. Enfin, un moment, si je peux, si on peut dire, de sensualité. Non, tout le personnage de Tartuffe déborde de sensualité. C'est d'ailleurs un trait que Molière a voulu marquer pour exagérer sur la fausse dévotion, n'est-ce pas ? Il aurait pu en faire un faux dévot qui ne soit pas sensuel. Mais je crois que le personnage est plus fort s'il tourne délibérément de ce côté-là, n'est-ce pas ? Au fond, c'est presque plutôt un coureur de femmes qu'un fripon. S'introduit-il dans la maison pour... parce qu'il est affamé, si j'ose dire, n'est-ce pas ? C'est un fripon et sa seule faiblesse, c'est justement sa sensualité. Il est très fort, il raisonne très bien, il conduit très bien son affaire, tant qu'il n'est pas dominé par sa sensualité. Quand il s'agit de gourmandise, encore ça s'arrange. Mais quand il voit les épaules d'Elmire, eh bien, il perd le nord. Et c'est à ce moment-là qu'il déraille. La chair le trahit. Oui, oui. Ça ne vous rappelle pas un personnage romantique ? Ça ne vous rappelle pas Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir ? Dans Le Rouge et le Noir, Julien connaît le rôle de Tartuffe par cœur. Julien Sorel qui est un homme qui connaît bien Rousseau et Napoléon, a fait de Tartuffe son modèle, et il a reconnu dans Tartuffe, dit-il, trois caractères, trois points essentiels, le sang-froid, le caractère et la passion. Mais Julien Sorel, comme Tartuffe, échoue parce qu'à un moment, il perd son sang-froid. Et Thibaudet disait, Julien Sorel, comme Tartuffe, c'est un plébéien en transfert de classe. Tartuffe, dans sa vengeance, paraît aussi maladroit et aveugle que Julien Sorel. C'est un plébéien en transfert de classe, disait-il. Et Tartuffe est un homme intelligent, est un homme qui a sa valeur dans la société, qui représente une forme permanente de la société telle qu'elle agit. Les hypocrites, il faut être aussi moraux que nous sommes pour les mépriser et les repousser, mais les hypocrites sont un élément essentiel de toute société. Et lorsque, en 1669, la représentation de Tartuffe, le Tartuffe a été enfin admis, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu deux versions préalables. Celle de 1664, c'est celle qui a été refusée. Et d'après la lettre sur l'imposture, qui est une lettre anonyme qui était de 1665 et qui suivait la première représentation en trois actes, il apparaît, le schéma, le scénario est expliqué très, très précisément, il apparaît que la pièce était une violence extrême. Tout était poussé à la farce, n'est-ce pas ? Tartuffe était un homme qui était un homme d'église à ce moment-là, et cet homme d'église, avec un orgon beaucoup plus avachi encore, avait absolument fait scandale, et Molière lui-même, qui insistait pour la représentation, avait promis de niveler, d'adoucir les caractères. La version de 1667 était déjà adoucie, et celle de 1669 a tiré la pièce et tout le sujet, non plus au comique violent de la farce, mais au fond au drame noir, avec à la fois des sourires et des traces de farce. Mais ça, c'est tout le problème comique de Tartuffe, et c'est peut-être le problème comique de Molière. Et c'était le problème également de la compagnie de la Cabale des Dévots, parce que Tartuffe est un provincial. Et je crois même que dans les interprétations qui précèdent la vôtre, pour remonter assez loin, Lucien Guitry, qui jouait Tartuffe, le jouait avec l'accent auvergnat. Oui, mais j'ai assisté à la présentation. Il jouait avec l'accent auvergnat, c'était absolument extraordinaire, n'est-ce pas ? Et évidemment, les spectateurs étaient surpris, mais c'était sans doute le désir, un désir, disons, de critique historique, de marquer, de se rattacher à la compagnie du Saint-Sacrement et de la Cabale des Dévots. Or, en 1669, des libertins agissants, il n'y en avait plus, n'est-ce pas ? Ils avaient été, disons le mot, traqués, matraqués par la police de Louis XIV, et c'était resté une attitude philosophique, appuyée, du reste, sur l'entourage intellectuel de Louis XIV, parce que si Perefixe avait été le précepteur de Louis XIV, le premier précepteur de Louis XIV était Lamothe Levaillère, qui avait été choisi par Richelieu avec l'acquiescement d'Anne d'Autriche, n'est-ce pas ? Et Lamothe Levaillère faisait partie du clan Gassendi. Et la compagnie du Saint-Sacrement remontait, je m'excuse de faire ces apartés historiques, remontait à 1627. Et son Brain Trust n'était pas à Paris, mais en province. Et de 1650 à 1668, tous les procès contre la Cabale des Dévots, des procès extrêmement violents, se sont passés à Aix, à Lyon, à Caen, Et il est assez curieux que les deux grands procès de Caen et de Lyon se sont passés au moment où Molière était dans ces villes. Et il y a eu un procès à Lyon qui s'appelait le procès Crétenay d'ailleurs, et qui était un espèce de notaire, qui était un milieu entre Monsieur Loyal et Tartuffe, et qui reprend historiquement exactement les éléments de la pièce de Tartuffe. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1660, la compagnie avait été dissoute, et en 1662, toutes les archives confisquées. Donc, il y avait un recul dans la création de l'auteur dramatique, l'auteur comique, n'est-ce pas ? Un recul, et ça explique sans doute la protection de Louis XIV, qui voyait jouer sur la scène des gens dont il croyait lui-même, sur le plan du pouvoir, s'être débarrassé. Et dont il souhaitait. Et dont il souhaitait la disparition. Mais toutes ces féodalités, qui étaient attaquées pratiquement depuis François Ier, n'est-ce pas, et depuis Henri IV, s'étaient repliées dans la clandestinité. Et c'est pourquoi, du reste, je crois, le problème est resté valable, parce que quand on parle de religion, de la tolérance et de la liberté, il ne faut pas oublier qu'en 1669, nous ne sommes pas en 1789, ni en 1750, et qu'en 1669, nous ne sommes pas à la veille de la liberté, nous sommes à la veille, si je peux dire, de la décadence du grand roi et de la révocation d'Édith de Nantes. N'est-ce pas ? Il y a quand même là une chose qui fait de Tartuffe une pièce plus tragique encore que ce que vous pouvez voir quelquefois sur le plan intellectuel. Est-ce que je voulais qu'on demande peut-être à nos jeunes amis, à M. Gaudin et M. Jacobovitch, est-ce que ça leur fait peur, Tartuffe, ou est-ce que ça les fait rire ? M. Gaudin. Oh ben moi, je trouve que Tartuffe fait quand même un peu peur. M. Marchat. Tartuffe fait peur. Oui, je ne sais pas pourquoi il fait peur. Enfin, parce que nous vivons entourés de tellement d'exemplaires de ce personnage qu'on doit tout de même en prendre l'habitude et savoir qu'au fond, il y a une façon tellement facile de le combattre. Mais est-ce que, quand même, la peur qu'il peut produire, disons, sur le public jeune de notre génération, la peur n'est pas justement un des ressorts comiques qui prend sa place dans le rythme comique? C'est un sort comique, n'est-ce pas? On fait peur au public et on le rassure après. C'est un des nombreux ressorts comiques qu'il peut y avoir. Et c'est un de ceux dont les faits, je dois le dire, est le plus sûr. Monsieur Marchais, il vous fait rire, vous, Tartuffe? Ah oui, moi, il me fait rire. C'est parce que je le connais trop bien. Oui. Oui, mais écoutez, quand on sort de cette pièce, on a ri souvent, d'ailleurs. Ah, oui. L'autre jour, on a même ri beaucoup. On rit beaucoup. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui précède le dénouement, lorsqu'on voit d'un côté ce feu rougeoyant, n'est-ce pas, qui représente l'enfer dominé par le Christ janséniste, et sur le côté, l'autre côté, à gauche, le côté, toute la famille réunie, n'est-ce pas, en silence, la vieille mère Pernelle, dans son, qui vient de comprendre, enfin, il y a une espèce d'angoisse qui reprend le spectateur, et même les singeries, disons, de Tartuffe, qui s'amène avec les exempts qui s'étendent sur le fauteuil et qui attend, et même après, lorsqu'il est pris, il essaie de se sauver, nous n'avons plus envie de rire. Monsieur Marchat ne rit pas à ce moment-là. Mais il ne rit pas du tout. Marchat ne rit pas. Il triomphe lugubrement, n'est-ce pas, et après, il est très embêté. Oui. Après, d'ailleurs, le personnage devient pitoyable à ce moment-là, car un homme qui seul est en butte à toute une famille et à la police, quoi qu'il ait fait, est toujours pitoyable. C'est le plébéien qui a monté tous les échelons depuis sa province jusqu'à la cour du roi, puisqu'il fréquente la cour du roi, et qui s'aperçoit que toute sa carrière est fichue, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi Monsieur Giraudet, pourquoi est-ce que l'exempt se tait jusqu'à la fin? Ah, l'exempt représente peut-être, justement comme vous disiez tout à l'heure, le deus ex machina et Dieu est avare de parole, vous comprenez? Je crois aussi que c'est pour ménager un effet de théâtre, tout simplement. C'est ça. Et un effet de comique, n'est-ce pas? Il fait durer le plaisir. Et on sait bien ce qui va se passer. Et Tartuffe ne comprend pas. À ce moment-là, il ne rit plus, mais c'est nous qui rions. Quand on sort de cette pièce, on se pose tous les problèmes, parce que tout a été traité. Ah, oui. Le problème de l'autorité paternelle, de l'autorité maritale, du droit des enfants, de l'éducation des femmes et des filles. Regardez tout ce tableau, toute cette brochette de femmes qu'il y a dans Tartuffe. Depuis, il y a toute jeune fille de 16 ans qui va se marier. Jusqu'à la vieille mère un peu gâteuse et confite en religion. Molière était évidemment un auteur comique d'abord. Et ensuite, même si, et parce qu'il avait des idées à faire passer, le style comique lui permettait de le faire. Non pas tellement pour camoufler ses idées, mais simplement pour que ça soit un meilleur véhicule dans le public. Au fond, au XVIIIe siècle, on prend une autre méthode, c'est le conte philosophique. On raconte des histoires, mais des histoires qui sont pleines de pensées. Et c'est pour cela que Tartuffe me paraît, moi, une pièce très parfaite, en ce sens que c'est la pièce d'idées de Molière où il y a le plus d'éléments comiques. Oui. Et c'est la pièce où on rit le plus. Mais vous dites de Chartres que Tartuffe est comique. Et vous entendez par là qu'il est sans doute comique en lui-même, mais moi je trouve qu'il est comique par ce qu'en disent les autres. Quand Dorine dit « je pourrais le voir tout nu, je n'aurais pas envie de lui », quand on parle de Tartuffe qui dort, qui se goberge, etc., ce sont les détails sur la vie de Tartuffe, sur le comportement de Tartuffe apportés par tous les autres qui rendent Tartuffe comique. Alors que M. Jourdain est comique par lui-même. Il danse, il est grotesque, il fait des pataquès, etc. Mais Tartuffe n'est pas tellement comique par lui-même. J'entends bien Jean Altman, mais je pense que Jean Marchat, lui, voit un Tartuffe comique en soi. Oui, Tartuffe n'est pas comique comme M. Jourdain qui est comique en faisant, disons-le, l'imbécile, n'est-ce pas, en dansant, en se revêtant de costumes qui ne lui vont pas. Tartuffe est comique par le contraste qu'il y a entre son attitude et son physique, d'abord. N'est-ce pas, c'est un homme qui, décrit par Dorine, est un bon vivant et il parle évidemment comme s'il était un ascète. Il est comique également parce qu'il emploie, pour faire sa déclaration à Elmire, des mots de jeune premier, des mots de Roméo, et qu'il emploie ces mots avec le visage et avec la voix, n'est-ce pas, d'un personnage qui est très loin d'être un jeune premier, d'être un amoureux. Il est aussi comique au moment où, malgré tous ses calculs, malgré toutes les combinaisons astucieuses qu'il a pu mettre à fin, il déraille parce que brusquement sa sensualité prend le dessus, ce qui est également un ressort comique. Étienne Fuselier. Oui, mais justement, je voudrais profiter de ce que vient de dire M. Marchat pour lui poser une nouvelle question. Je vous en prie. Et justement, est-ce qu'il vous semble que c'est le personnage de Tartuffe qui commande le rythme comique de l'ensemble de la pièce? Oui, je le crois. Je crois car sa présence est sensible, même dans les deux premiers actes où il ne paraît pas, oui, mais où tout se ramène à sa description et en somme à la préparation de son entrée. Oui, c'est ça. Le rythme de la pièce est un rythme de comédie, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que c'est évidemment le romantisme et beaucoup d'autres choses qui ont amené dans Tartuffe ces brumes noires, n'est-ce pas, que certains acteurs, certains metteurs en scène se sont plus, je crois, exagérés. La radiodiffusion française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le mardi 14 décembre, à la salle Richelieu, les comédiens français ont donné une représentation de la comédie de Molière, Tartuffe, que vous avez entendue avec la distribution suivante. Messieurs Louis Seignier, Orgon, Marie Delmire, André Falcon, Damis, fils d'Orgon, Jean Marchat, Tartuffe, Faux-Dévot, Louis Aymont, Lexan, Jacques Servière, Cléante, beau-frère d'Orgon, Marco Béard, Monsieur Loyal, sergent, Jean-Louis Gemma, Valère, amant de Marianne, Mesdames Berthe Bovy, Madame Pernel, mère d'Orgon, Béatrice Bretty, Dorine, suivante de Marianne, Jeanne Boitel, Elmire, femme d'Orgon, Denise Pezzani, Marianne, fille d'Orgon et amante de Valère, Mademoiselle Nicole Chollet, flipote. Mise en scène de Monsieur Ledoux. Le débat de la tribune libre de théâtre et université réunissait autour de Philippe de Chartres, Georges Altman, rédacteur en chef du journal Franc-Tireur, Étienne Fuselier, professeur de lettres au lycée Saint-Louis, Marcel Giraudet, Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, et Michel Jabkovitch, Jean-Pierre Gaudin, élève de première au lycée Saint-Louis. Réalisation, Éléonore Kramer.